Vous dormez tous les deux? Hein? Vous dormez tous les deux? Ouais, c'est nous alors, je suis pas content. Vous êtes fatigué? Oui, et enfin, vous avez la nuit pour dormir. Vous êtes... Non, non, non, quoi. Toi aussi, tu dors? Ouais, tu es fatigué aussi. Stéphane, vous pouvez aussi enlever le slip? Ah, bah, ça va. Pousse-toi ton matelas. Attends. Attends, reste là. Tu prends aussi de l'eau et tu mis, hein? Moi j'en ai besoin. Tu veux de la musique? On va en mettre tout à l'heure un peu, hein? Tu veux? Maintenant. On mettra un disque un peu tout à l'heure? Maintenant. Hein? Maintenant. Tout à l'heure, tout à l'heure. Tout à l'heure. Maintenant. Je vais jouer voir un peu à la ferme avec Alexandre. Regarde. C'est ça, maman. Ça, c'est maintenant. Ouais, c'est tout fait. Il n'y a pas. Ah, c'est facile, ça. C'est facile, ça. Voilà, il faut mettre des barrières, tu vois? Des barrières. Et puis après il y a le cheval, on met des chevaux devant. Regarde là, il y a. Les chevaux. Le bouton. Le bouton. Là, il y a une chèvre. Et il y a un cochon. Voilà. Attends, si tu parles, on va t'entendre tout à l'heure dans la machine. Hein? On va t'entendre dans la machine tout à l'heure. Hello. Vous êtes de nouveau à poil? Chez nous, ils sont toujours à poil. Ils ont joué au papa et à la maman, c'est pas fait. Donc, on ne peut pas être habillé pour jouer au papa et à la maman. Hein? Je crois qu'ils fassent une fois autre chose. Hein. Ça, là, rien dans certainement. Je ne sais pas quel serait le résultat, mais. Ah, je te prends ça parce que j'en ai. T'en veux plus? Je suis du bois, t'as oh, un vieux ricard. Non, Alexandre, pas ça. Du ricard. Pas ça. De la merde. On a rentré quoi dans les... Je te fais te montrer. Tu ne sautes pas. Non, je le fais te montrer. Non, tu vas... Vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire mal à ce. Oui, et toi aussi, tu vas te faire mal. Alexandre, arrête. Le gars, il a réglé la télé là en bas, hein. T'as vu Splinting. Voilà, c'est ça. Bon, l'image était dégueulasse. Ils ont envoyé un clapin. Hein? Ils ont envoyé. J'ai dû contrôler les couleurs, elles étaient trop puissantes. Et le contraste, il l'avait trop monté pour avoir une image à peu près nette. Ça fait chier, lui, quand même. Avec les dingues, une bonne femme, elle a quand même été. Vas-y, je vais. Encore une fois, ça passe. Encore une fois, Alexandre. Hein? Non. Comme Stéphane. Qui t'a permis? Stéphane. Tiens, alors prends le coussin. C'est moi qui a permis. Ah bon? Alors tiens, prends le coussin, comme ça tu peux mieux dormir. Non, je dis. Bon. Alors donne-moi le. Qui t'a permis de aller là-dedans? Non, allez, Stéphane. Après, tu renverses quelque chose. Après, elle est en pleine popote. Qu'est-ce qu'on fait sous ce fauteuil? Ah, ils ont dit qu'ils ont le droit. Das war einmal, quand ils n'étaient pas des cigognes. Déjà, tu sais qui n'a plus le droit. Qui c'est qui a dit à Freddy que vous avez le droit? Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit? Menteur. Freddy. Oui, l'autre aussi. Allez, à la fin, je vais te dire. Qu'est-ce qu'elle a dit ta maman? Qu'est-ce qu'elle a dit ta maman? Tout à l'heure. Tu veux? Je suis gros sauveur. Hein? Je suis gros sauveur. Oui. Comme je marche, reste avec Freddy, moi je m'en occupe. Oui, pour l'instant, oui. Bon. Maintenant, vous ne bougez pas, ni l'un ni l'autre. Stéphane, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que j'ai distribué des taloches, hein? Stéphane. Ça, ça dégrave plus, c'est pour moi, tous les deux. Voilà. Qui va en premier? Moi. La douche? Oui, attends, Alexandre, attends une seconde, je règle d'abord la température de l'eau. La température de l'eau? Oui, ça veut dire que je vais d'abord régler pour que ce ne soit pas trop chaud et pas trop froid. Thank you. Il était une bergère qui gardait ses moutons. regarde, les ronds et grands qui passent à temps, le chat qui la regarde, dans ce petit air fricon, dans ce petit air fricon. Si tu y mets la patte, les ronds et grands qui passent à temps, si tu y mets la patte, tu auras du bâton, tu auras du bâton. Il n'y vit pas la patte, Héron, qui bat sa pente. Il n'y vit pas la patte, il y vit le menton. Il y vit le menton. La bergère en colère, Héron. Oui, la bergère en colère, tu as son petit chaton. Tu as son petit chaton. Voilà. Donc, vous n'avez pas à vous chanter. Hein? Non, tu ne sais pas lire, c'est pas la peine. Oui, alors vous regardez comment que nous on prépare les classes. Merci. Merci. Et donc, on a Stéphane, arrête avec tes pieds. Attention, je pourrais bien les tuer. Bien les tuer. Attention que tu ne pourras pas. Cherchez bien. Ah oui, c'est toi. David. Ah ouais. Attention. Qui a la tomate? Moi. Non, c'est Alexandre qui a la tomate. Qui a l'artichaut? L'artichaut. Moi. C'est David. Moi. Attends, qui a les radis? Moi. C'est toi? Oui, ah, c'est Stéphane qui a les radis. Qui a l'aubergine? Ah, ça c'est. Voilà, c'est Stéphanie. Attention. Qui a les navets? Ah, c'est l'autre Stéphanie. Attention. Qui a la pomme? La pomme. Ah non, ça c'est la petite pêche. Qui a la pomme? Attention. Qui a les haricots? Moi. Ah, c'est pas qui a les haricots. Qui a le chou? Le chou. Où est le chou? Ah non, ça c'est ça là, c'est le chou. Ça c'est le chou. Voilà. Qui a la pêche? Qui a la pêche? Ah, elle a la pêche. Ouh, Stéphanie, elle a deux, trois. Moi aussi j'en ai déjà trois. Moi j'en ai déjà deux. Oh non, Amélie. Ça fait rien. Qui a le teint? Moi. C'est aussi toi? Oui. Eh ben. Oh, ma fille, il y a deux chances. Attends, laisse, car je t'appelle. Qui a le cornichon? Le cornichon. Qui a le cornichon? Ah, regarde bien. Ah, il y a le cornichon. Ouh, il en manque plus qu'un là. Hein? Qui a les cerises? Qui a les cerises? Stéphanie, qui a les cerises. Mais tu sais, Emilie, elle ne les casse pas. Tiens, regarde, c'est ton radis, c'est ton rico. Regarde. Voilà. Voilà, on a encore fini. Qui a l'abricot? Non, il ne faut pas le toucher. Qui a l'abricot? L'abricot, Stéphane, regarde si tu as l'abricot. Ouais, c'est toi qui l'as. Hein? Qui a le persil? Cherchez bien, qui a le persil? Moi! C'est encore toi? Le persil. Qui a la fraise? Les fraises, qui a les fraises? Stéphane! C'est toi qui as les fraises? Qui a les poireaux? Ouais! Qui a les petits pois? Les petits pois? Ouais, c'est toi qui les as! Hein? Qui a la laitue? La laitue, qui a la laitue? Alexandre! Qui a les. Ah oui? Qui a les carottes? Les carottes? C'est Alexandre! Qui a la citrouille? Voilà. Ah, c'est la vitesse. Un, deux, comme moi. Qui a la poire? La poire. Ouais. Oh, et puis va qui va gagner. Qui a le tournesol? Moi. C'est Stéphane qui a le tournesol. Qui a le dahlia? C'est Stéphanie encore. Et qui a les groseilles? Ah, c'est Alexandre. Attention. Ah, mais il avait déjà l'haricot, toi. Mais c'est vrai, c'est lui qui l'avait caché, l'haricot. Ouais. Ah, ben oui, il va gagner. On va voir qui va gagner le deuxième, là. Qui a les pétunias? C'est David. Ouais. Ah, il en manque deux là. Émilie. Ah, il manque des cartes là. C'est Émilie qui a piqué des cartes. Là-bas, il y a une. Oui. Où est-ce qu'elles sont les cartes? Je mange pas. Ah, mais bon. Regardez. Bah, tu Tout le monde a un point. Il a aussi un petit truc. C'est la roue, tiens. Non, faut voir, mais il n'est pas ouvert. Ah, il faut l'ouvrir. Hein. Mais non, elle l'a refermé déjà. Ah, d'accord, comme ça. Hein. Tu vois comme ça. Thomas, t'as bien vu une femme avec une moustache. Une quoi? Avec une moustache. Ouais, mais c'est une drôle de femme, ça, tu sais. T'aimes pas la glace? Non. Oh, ta soeur, elle est bonne! Stéphane. Qui mange la glace? Stéphane n'aime pas la glace. C'est toi qui l'as choisi, Stéphane. La celle-là. Mais Stéphane, c'est de la chocolat. Mais là, il y a du chocolat. La fraise. Viens, on va l'enlever la fraise. C'est toi qui l'as choisi, hein. Mais la glace. D'abord, tu manges ta glace. C'est lui qui voulait la fraise. Tiens. Alors, mange du chocolat. Alors je te dis un secret. Ça c'est pas un secret. Merci, tu veux? Ouais. Merci. Qui veut une tartelette? Stéphane. Tu veux une tartelette? Non. Celui qui veut une tartelette, on prend une, on le dit. On ne veut pas. C'est tellement soif. Les buts, joli. Quel... La vie. Attends, viens, je te donne un tout neuf. Pourquoi deux? Tu vas faire quelque chose avec. Je pense que je vais en faire un peu. Je pense que je vais en faire un peu. Je sais pas.